إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 7 dans la lecture du livre حقيقة الشورى في الإسلام, la réalité de la shura dans l'islam, c'est-à-dire la réalité de la consultation et de la concertation. C'est un livre de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, hafizahullah. Au dernier cours, on parlait du fait que celui qui appelle au Parlement et qui appelle au fait de juger selon la démocratie et qui prétend que ça c'est la Shura, eh bien, en réalité, c'est des gens qui ont déformé et falsifié la réalité de l'islam. Le Cheikh Mohamed Aman, il disait que ceux qui interprètent la Shura comme étant le système qui explique que la Shura dans l'islam c'est ce système occidental mécréen, hein, la démocratie, eh ben, il doit corriger sa foi et revoir sa foi et revoir ses connaissances aussi. Parce que celui qui appelle au Parlement, il appelle à prendre des seigneurs en dehors d'Allah. Hein, il appelle à prendre des seigneurs en dehors d'Allah. Le Cheikh, il n'a pas mentionné le hadith d'Adi ibn Hatim, mais je pense que c'est important de le mentionner parce que c'est un hadith très célèbre puis qui a rapport avec ce sujet. Hein. C'est le hadith du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ou il a récité le verset dans Surat At-Tawbah. C'est dans Surat At-Tawbah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit le verset 31. Donc c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer un Dieu unique. Nul ne mérite d'être adoré excepté lui, hein, et qu'il soit exalté de ce qu'il lui associe, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe. Et ce verset, donc c'est comme pour dire que les gens du livre, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Adi ibn Hatim, c'était un musulman, un parmi les sahaba, hein, qui avait auparavant, qui était chrétien et qui avait accepté l'islam. Et donc, il faisait partie des sahaba et il avait donc, avant l'islam, connu le christianisme. Alors, quand il a entendu ce verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, il a dit au messager d'Allah, on les adorait pas. En voulant dire, on leur faisait pas des prières, on les prenait pas comme des divinités dans le sens qu'on leur faisait pas des prières à eux, puis on les adorait pas eux, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, n'est-ce pas que ces moines et ces rabbins, ils rendaient halal ce qui est haram? C'est-à-dire, ils rendaient halal ce que Allah a rendu haram. Et du moment que eux le rendaient halal, eh bien les gens l'acceptaient. Ils le rendaient halal aussi. Et ils rendaient haram ce qui est halal. c'est-à-dire ils rendaient haram ce que Allah avait permis. Donc, du moment que eux le rendaient haram, eh bien les gens l'acceptaient et le rendaient haram aussi. Ils croyaient que c'était haram aussi. Donc, il a demandé à Adi, n'est-ce pas que c'était comme ça que les prêtres, les moines, ils disent, ça c'est halal, ça c'est haram, et c'est en contradiction avec ce que Allah a dit dans la révélation. Et Adi a dit, effectivement, oui, c'est vrai, il faisait ça. Alors, le prophète a répondu, voilà l'adoration. Voilà comment il les adorait. C'est-à-dire que dans le fait de les suivre dans ce qu'ils rendent halal et dans ce qu'ils rendent haram, ça rentre dans l'adoration. Et ça a un rapport avec l'adoration. Parce que c'est comme si tu les prends comme des seigneurs en dehors d'Allah. Parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de rendre halal ou de rendre haram quelque chose. Donc si toi tu obéis à des êtres humains dans le fait de rendre halal, dans le fait de rendre haram quelque chose, eh bien c'est comme si tu l'avais pris comme un seigneur en dehors d'Allah et que tu l'as adoré dans ça. D'accord? Donc on n'a pas le droit de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal en se basant sur la parole d'un prêtre ou d'un moine ou d'un politicien ou d'un imam ou d'un cheikh, peu importe. Si un cheikh ou un imam il rend halal ce qui est haram, nous on n'a pas le droit de l'obéir là-dedans. Si un imam, on va dire, ou un cheikh quelque part, il dit vous pouvez manger du porc, c'est halal, toi tu t'en vas, tu dis ah d'accord, ok, c'est halal, alors tu connais le verset qui dit dans le Coran que c'est haram, tu le rends halal par rapport à lui, qu'est-ce qu'il a inventé. Dans ce cas-là, yani, si tu rends halal de cette façon-là, yani, ça c'est le fait de rendre halal ce qui est haram, ça c'est kufr. Ça c'est kufr et c'est pas permis. Donc si la personne elle a la connaissance et elle sait qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est halal, mais elle suit des hommes dans yani, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ces choses-là, même si ça va en contradiction avec la révélation, dans ce cas-là, c'est des gens qui ont pris des seigneurs en dehors d'Allah. Donc ça, c'est important. Et vous allez voir, par exemple, chez les chrétiens, ils rendent halal le porc. Alors que même dans leurs livres, c'est interdit. Ils rendent, par exemple, ils vont interdire, ou bien ils ont aboli, par exemple, la circoncision. Alors que la circoncision fait partie de la sunna des prophètes. La sunna d'Ibrahim, alayhi salam, et ainsi de suite. Par exemple aussi, ils ont interdit pour eux-mêmes le mariage. Les prêtres s'interdisent le mariage. Alors que le mariage, c'est une sunna des prophètes aussi. Quoi d'autre encore? En tout cas, il y a beaucoup de choses comme ça que eux, ils ont rendu haram, qui était halal, ou qu'ils ont rendu halal, qui était haram. Des choses comme ça, et les gens les ont suivis là-dedans, ou les obéissent là-dedans, ou croient à ça. Et ça, c'est. Par exemple, ils ont interdit le divorce. Alors que le divorce, c'est pas interdit, c'est permis. Et des exemples comme ça. L'alcool dans leur livre, j'avais écouté un cheikh qui disait qu'à la base, c'était interdit. Ou que c'est détestable. En tout cas, il y a des versets qui condamnent l'ivrognerie puis le fait de boire de l'alcool. Mais les détails là-dessus, je ne connais pas. Allahu a'lam. Naam. Donc, ça, c'est un hadith que je voulais mentionner qui est important là-dessus, à ce sujet-là, et il faut bien le comprendre. Ensuite, le cheikh, il dit. وإن كانوا يريدون أن يريدون أن الغرض من الشورى إيجاد هيئة أو سلطة منظمة برئيسها وأعضائها ولها استقلالها في تصرفاتها في الشؤون الداخلية والخارجية كما يزعمون وليس لسلطة الدولة أن تؤثر فيها في تخطيطها وتنظيمها فهذه دعوة إلى إيجاد حكومة داخل حكومة ولا نعلم لهذه الحكومة الداخلية مثيلا أو نظيرا في التشريع الإسلامي. Il dit peut-être que qu'est-ce qu'ils veulent ou leur objectif ou leur but dans qu'est-ce qu'ils appellent la Shura, c'est de créer une institution ou une autorité organisée avec son chef et ses membres qui sont indépendants dans leur façon d'agir par rapport aux affaires intérieures et extérieures, comme ils le prétendent. Et ils prétendent que cette association ou cette institution ne serait pas sous le contrôle, elle serait indépendante du contrôle de l'État elle-même, indépendante. Hein? L'État n'aurait pas de pouvoir sur elle dans sa façon de gérer et dans son organisation. Et il dit que ça, en réalité, c'est quoi? C'est d'appeler à créer un État à l'intérieur d'un État. Hein? Et il dit, dans l'islam, hein, on ne connaît pas d'exemple semblable dans l'histoire de l'islam. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de l'islam, ce genre de système. Il dit, وَبِيَدْ أَنَّنَا لَا نُنْكِرْ وَلَوْ أَنَّ جِهَةً مِنَ الْجِهَاتِ اتَّخَذَتْ مَجْلِسًا لِلشُّورَى يعطى صلاحية محدودة ليقدم للسلطة آراء بناءة ومدروسة ويكون للمجلس رئيسه وأعضائه فيقدم آراء غير ملزمة بطلب أو بدون طلب من ولي الأمر لا ننكر هذا النظام أو هذا التنظيم لأنه يعد من المصالح المرسلة المعروفة عند أهل العلم وإن كانت آراء المجلس غير ملزمة قطعا كما قررنا بل الحاكم في المنهج الإسلامي فرد واحد يبايع فيطاع ما لم يأمر بمعصية الله. Donc le cheikh il dit, mais on ne nie pas qu'il puisse y avoir qu'il puisse y avoir par exemple une assemblée de consultation à qui on donne certaines tâches ou certaines limites et que cette assemblée-là donne des conseils et donne son point de vue basé sur des études ou sur des choses, des opinions qui sont fondées, vont donner des conseils aux dirigeants. Et que cette assemblée-là ait un chef et des membres qui vont donner leurs opinions qui ne sont pas imposables, que ce soit sous la demande ou par rapport à une demande que le dirigeant ait faite, ou que ce soit fait sans que ce soit basé sur une demande, ça on ne le nie pas. Il peut y avoir ce genre d'organisation-là dans le pays, il n'y a pas de problème, parce que ça fait partie des intérêts. Et des choses qui sont connues chez les hommes de science parmi les masalih al-mursala. Et il dit wa in kanat ara al-majlis, donc même si les opinions de l'assemblée ne sera pas imposables du tout sur le dirigeant, comme on l'a dit, parce que dans l'islam le dirigeant dans la méthode, dans le système islamique, le dirigeant, c'est un individu unique à qui on donne une allégeance et qui doit être obéi tant qu'il n'ordonne pas de désobéir à Allah. Il dit وَهَذَا مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَدَرَجَ عَلَيْهِ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ فِي مَوْضِعِهَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَالسُّنَّةِ. Donc le cheikh il dit ça, c'est supporté par des textes du Coran et de la Sunna, et c'est ce que les salafs de cette umma ont toujours suivi, et la question en elle-même, elle est bien connue dans les différents endroits, dans les livres de fiqh et dans les livres de la sunna. C'est-à-dire la question de l'obéissance aux dirigeants, et la question de la bay'a, et la question de lui obéir dans le bien, et yani, tant qu'il n'ordonne pas de faire un péché. Donc ça c'est clair, c'est des choses connues dans, dans le manhaj des salaf et dans la sunna. Il dit ensuite, وَأَمَّا الَّذِينَ يَتَصَوَّرُونَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْإِسْلَامِ يَجِبُ أَنْ يَصْدُرَ حُكْمًا جَمَاعِيًا فَتَصَوُّرُهُمْ خَطَأٌ مَحْضٌ. Il dit, ceux qui s'imaginent ou qui pensent que dans l'islam, le jugement ou le gouvernement doit être basé sur un gouvernement ou un jugement basé sur un groupe, que ce soit un groupe de personnes qui doivent diriger et non pas une seule personne, eh bien, leur compréhension, elle est fausse, totalement. Totalement fausse. Le cheikh il dit, أعوذ فأقول إن الذين يتصورون أن الحكم في الإسلام يجب أن يصدر أو يصدر حكما جماعيا فتصورهم خطأ محض فلا يجدون دليلا على تصورهم هذا لا من كتاب ولا من سنة ولا من آثار سلفنا الصالح وهم وهم الناس الذين يتأسى بهم ويتأنس بآرائهم فما كان كذلك فهو مرفوض فهذا التصور مرفوض إذن بل الإسلام يحث على وحدة الأمة ويجنب أسباب الفرقة والتشتت ولذلك يمنع تعدد ولاة الأمور في وقت واحد بل فرد واحد فيبايع فيطاع كما أسلفنا. Donc le cheikh il dit, je reprends et je dis que la pensée de ceux qui s'imaginent que le jugement dans l'islam il est obligé d'être basé sur un groupe, ça doit être un groupe de personnes qui doivent diriger, il dit cette compréhension elle est erronée, elle est incorrecte, c'est une erreur absolue. Et il dit que tu ne trouveras aucune preuve pour cette idée et pour cette conception, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les narration des salaf al-salih. Et il dit, alors que ce sont ceux sur qui on doit se baser, c'est-à-dire les salaf, ce sont eux sur qui on doit se baser, et yani, c'est leur narration qu'on doit prendre comme référence. Yani, et pourtant, yani, c'est-à-dire après le Coran et la Sunna, et pourtant, tu ne trouves pas de preuves dans ces choses-là, yani, dans ces preuves-là. Il n'y a pas de preuve pour qu'est-ce que il y en ait pour dire que il faut que ce soit un groupe qui dirige, comme une assemblée ou un parlement ou des choses comme ça. Donc, si c'est ainsi, alors on voit que c'est rejeté cette idée qu'il ramène que il faut que ce soit un groupe qui dirige. C'est une conception qui est fausse. Et il dit l'islam, elle incite à l'unicité et à l'union de la Ummah, que la Ummah soit unie. Hein, et d'éviter les causes de la division et de la séparation. Et l'islam donc interdit qu'il y ait plusieurs dirigeants en même temps dans un pays. Il faut plutôt que le pays soit dirigé par une personne unique et à qui on donne une allégeance et qui doit être obéi, comme on l'a mentionné. Ça, c'est le système dans l'islam. Il dit Bal يضرب الإسلام بيد من حديد من ينافس ولي الأمر القائم في بيعته إذ يقول رسول الهدى ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. Et il dit que l'islam frappe avec une main de fer sur toute personne qui voudrait disputer ou compétitionner avec le dirigeant établi alors qu'il a été assermenté ou qu'on lui a donné le serment d'allégeance Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, le prophète de la guidance, de la miséricorde, a dit, si on donne l'allégeance à deux khalifas, tu es le dernier d'entre eux. Si on donne une allégeance à deux khalifas, c'est-à-dire à deux dirigeants différents, en même temps, tu es le dernier des deux. Pourquoi ? Pour pas qu'il y ait de raison de faire de la division par la suite. Dans le sens que, si par exemple tu vas dire, bon, le peuple a donné la bay'a à un, puis à l'autre, c'est-à-dire le peuple est divisé en deux maintenant. Ils ont donné une bay'a à un, puis une bay'a à l'autre. Hein? Comme qu'est-ce qui s'est passé par exemple en Égypte. Hein? C'est pas exactement pareil, mais c'est dans le sens que il y a plusieurs personnes qui demandent le pouvoir. La population a choisi un, puis l'autre partie de la population a choisi l'autre. Et le prophète s'en dit, s'il y en a deux, tu es le dernier des deux. Comme ça, si le deuxième il est tué, eh bien, toute la population va se rallier derrière un. Parce que l'autre, il n'existe plus. Hein? Parce qu'il vient comme une contestation au premier. Puis ça divise la population. Il ne devrait pas contester le pouvoir en partant. Tu vois, il ne devrait pas... Et comme il cherche à prendre la place de l'autre. Mais la démocratie, c'est basé. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui contestent le pouvoir. Il y en a une partie de la population qui ont choisi un, puis l'autre, après, il est venu, puis il a voulu prendre sa place. Et il y a une partie des gens qui sont avec lui. Oui, c'est ça. C'est ça. Une fois qu'il y en a un dans l'islam qui a une bay'a, quelqu'un ne peut pas venir pendant qu'il est au pouvoir pour le remplacer ou prendre sa place ou se mettre à sa place. Ce n'est pas permis. Mais dans la démocratie, c'est comme ça. Dans la démocratie, si un gars il est au pouvoir, il reste 4 ans, et bien là, il y a des élections, puis là, il y a d'autres qui vont venir compétitionner ou prendre la place avec lui. Et là, après, ils vont faire des campagnes. Chacun, il va faire la publicité pour lui-même, pour dire, moi, je suis le meilleur. Mais oui, et ils vont attaquer l'autre. L'autre, il fait ça, il fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Et moi, je suis le meilleur. Moi, je respecte ça, je fais ça. Et j'ai pas fait qu'est-ce qui est pas correct. J'ai pas fait ça. Tout ça, c'est... pour avoir des voix et des votes. Et oui, ben oui, le peuple va être divisé, c'est normal. Et eux, ils pensent que ça, c'est l'unité. Ils pensent que le peuple est uni quand même, même s'ils sont divisés. Et c'est ça qui est triste, parce qu'ils ne réalisent pas qu'en fait, il n'y a personne qui est uni. Moi, quand je regarde, par exemple, ici dans la rue, là, tu marches dans la rue, tu vois, il n'y a pas deux personnes qui pensent pareil. Il n'y a pas deux personnes qui... ont la même foi, la même croyance. Il y en a une, tu vois, l'autre il est hindou, l'autre il est bouddhiste, l'autre il est Krishna, l'autre il est athée, l'autre il est chrétien, l'autre il est juif, l'autre il est musulman. Tout le monde sont mélangés. Il n'y a rien qui unit personne. Il n'y a personne qui est uni par quoi que ce soit. Hein? Et tout le monde vit comme dans l'insouciance, dans l'indifférence. Comme du bétail. Les gens, ils vont juste travailler. Rentre à la maison, travailler. Et non. Donc, la vie devient, yani, juste pour travailler, juste pour la dunya. Il n'y a pas d'autre chose qui fait que les gens sont, essaient d'arriver à quelque chose de supérieur, de meilleur, ou de, hein. Et après la mort, est-ce qu'ils ont une croyance en qu'est-ce qui arrive après la mort? Non, pas nécessairement. Les gens, ils vivent pour la dunya seulement. Et puis, ils ne se posent pas de questions, ou bien ils ne cherchent pas par rapport à qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ce n'est pas important pour eux. L'important, c'est travailler, puis peut-être la fin de semaine, se divertir un peu. Sortir, aller boire, aller se diverser, s'amuser un petit peu pour oublier le travail. Puis après la semaine, tu reprends la routine. Hein. Puis après l'été, peut-être une semaine ou deux de vacances. Après, tu reprends. Et année, c'est comme, tu vis comme ça, comme un robot. Hein, comme des robots. Mais tu sais pas pourquoi tu vis. Tu sais pas pourquoi tu meurs. Puis tu sais pas à quoi ça sert tout ça. Puis il y a des gens qui dirigent, qui décident comment les autres doivent vivre. Puis on sait pas non plus pourquoi. Hein? Donc c'est vraiment ridicule, c'est absurde la situation, comment ces gens la vivent et comment ils établissent la vie. Mais les croyants, eux, ils voient pas la vie comme ça. Ils veulent vivre selon comme, la façon comment Allah leur a ordonné de vivre, c'est-à-dire pour adorer Allah, pour établir l'adoration d'Allah et pour que on puisse obéir à Allah et adorer Allah comme il faut. Et c'est ça qui amène, yani, en fait, une société qui peut donner à quelqu'un la paix. Hein, la paix dans l'âme, la paix dans la société, la paix dans la vie, et les gens sont unis sur quelque chose. Hein. Yani, subhanallah, tu vas pas trouver dans les rues des bars, de l'alcool, des endroits où les femmes se dévêtissent, se marchent nues dans la rue ou des choses comme ça. Non, c'est des sociétés propres. Hein. Tu vas pas trouver des problèmes sociaux comme ça, comme qu'est-ce qu'on trouve ici. Même si c'est pas parfait, il y a des problèmes, mais c'est pas, hein, c'est pas comme qu'est-ce qui se passe ici. Le cheikh il dit ensuite والذي يسهل عليك ايها الطالب فهم ما اقوله ان معنى اصدار الحكم في الاسلام او في المنهج الاسلامي هو اصدار تنفيذ لا اصدار تشريع وقد اوضحت هذا المعنى في عده مواضع ولكن الذي جعلني اكرر القول فيه هو خشيه ان يتساءل بعض المخدوعين أن حكم الحاكم المسلم الذي تحدثت عنه إذا كان حكما فرديا فما الفرق بين حكمه الفردي وبين حكم يسمى بالديمقراطية الفردية وقد تحدثت عنها سابقا في معرض الذم. Donc le cheikh il dit peut-être que quelqu'un, yani ici, bon, il dit pour faciliter la compréhension à toi, oh, celui qui cherche hein, la compréhension et qui veut comprendre ce que je dis, la différence entre le fait de baser le gouvernement ou le pouvoir dans l'islam sur le pouvoir d'une seule personne, c'est par contre le pouvoir d'une seule personne dans le sens de l'exécution des lois, pas dans le sens de la législation des lois. C'est ça la différence. C'est que dans les systèmes des kuffars, quand il y a un gouvernement qui est basé sur le pouvoir d'une seule personne, c'est un pouvoir de législateur, un pouvoir de législation. Dans l'islam, c'est pas comme ça. Dans l'islam, celui qui est au pouvoir, il est là au pouvoir pas pour légiférer, pour exécuter la législation d'Allah. Pas pour inventer des lois lui-même. C'est ça la différence. Et il dit, le cheikh, il dit, j'ai voulu clarifier cette signification-là, comme je l'ai expliqué à plusieurs endroits. Et la raison pourquoi je le répète, c'est pour éviter que, il y en ait, parce que je crains que certaines personnes posent la question parmi ceux qui ont été trompés et qui vont poser la question, si tu dis que le dirigeant musulman, tu dis que c'est un dirigeant qui a un pouvoir tout seul, c'est lui seul qui dirige, et que c'est quand il, donc c'est quoi la différence entre son pouvoir à lui, hein, le pouvoir d'un musulman, d'un dirigeant unique, et qu'est-ce qu'on appelle la dictature, hein, quand il y a un dirigeant qui est dictateur, puis que c'est lui seul qui a le pouvoir, puis qui prend toutes les décisions. C'est quoi la différence? Donc, il dit, j'en ai parlé plus tôt, puis j'ai blâmé la dictature. Donc, c'est quoi la différence? Comment on peut clarifier ça? Le cheikh il dit al-jawab, أن الحكم الدكتاتوري الفردي هو الحكم العسكري غالبا. حكم بشري وضعي يشرعه حاكم عسكري مع مجموعة من زملائه ويشرع من عند نفسه بهواه ويستخدم في التشريع والتنفيذ قوة السلاح وهو جاهل كما قلنا بالأحكام بل هو جاهل بالقوانين العامة العالمية وإنما يعتمد على القمع والبطش وهذه حقيقة الحكم الدكتاتوري فلا علاقة له بالإسلام فهو المراد بالحكم الفردي. Donc il dit, la réponse c'est que le gouvernement dictateur, de dictateur, quand c'est une dictature basée sur le pouvoir d'une seule personne, en général c'est un pouvoir militaire. Et c'est un pouvoir basé sur un pouvoir établi par les hommes, un gouvernement établi par des lois faites par les hommes. Et c'est, en général, c'est le militaire qui va être le dirigeant et c'est lui qui va légiférer, lui avec un groupe de ses amis-là, de ses proches, et ils vont juger et établir des lois selon leurs désirs. Et ils vont utiliser des législations et ils vont l'exécuter par le pouvoir des armes. Ils vont utiliser les armes pour imposer leur pouvoir. Et en général, ce sont des ignorants, ils ignorent les règles de la charia et ils ignorent même les lois internationales. Ils se basent juste sur la force brutale pour établir leur force et leur pouvoir. C'est ça la réalité du pouvoir dictatorial. Donc il n'y a aucun rapport entre ça et l'islam et la signification du pouvoir d'un dirigeant unique dans l'islam. Ça n'a pas rapport. Et comme le cheikh il dit, par rapport aux dirigeants dans les dictatures, tu vois que souvent c'est des militaires. Comme qu'est-ce qu'il y avait par exemple en Égypte ou ailleurs. Par exemple en Égypte, il y avait le roi Farouk. À l'époque de Hassan al-Banna, c'était un roi qui était au pouvoir. Il était roi. C'était le roi Farouk. Et en Libye, il y avait le roi, je pense que c'était Idriss. Et en Irak aussi, il y avait un roi. En Afghanistan et en Iran, le Shah. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est avec les idéologies des communistes, communistes et des autres là, les socialistes. Il y a eu plein de gens qui ont accepté ces idées des occidentaux. Et ils ont organisé des groupes secrets comme des groupes. En Turquie, c'est la même chose. Parce qu'en Turquie, avant 1924, il y avait un khalifa là-bas. Soi-disant un khalifa. Un dirigeant unique, musulman, et c'est Kemal Atatürk qui a fait la révolution. En Libye, c'est Kadhafi, il a renversé le roi Idriss. En Égypte, c'est Jamal Abdel Nasser qui a renversé le roi Farouk. Et dans plein d'autres pays comme ça, en Irak, il y avait un autre, j'ai oublié son nom, finalement c'est après le parti Baath qui a pris le pouvoir, et on a vu après il y a eu Saddam Hussein, puis donc c'est ça. Dans tous ces pays-là, il y a eu des révolutions. Mais avant qu'il y ait des fois, comme par exemple en Syrie aussi, il y a eu des trucs comme ça. Et quand il y a eu des révolutions, souvent c'était dans des gens qui étaient dans l'armée, comme Jamal Abdel Nasser, c'était un soldat dans l'armée. En Irak, c'est l'armée. En Syrie, je ne sais pas les détails, mais en tout cas, je sais qu'il y avait des trucs dans la. En Libye, c'est l'armée aussi. En Tunisie, non plus, je ne connais pas toute l'histoire en détail. Mais c'est pour dire qu'ils ont tous essayé de renverser leur pouvoir dans leur pays. Et ils ont fait des coups d'État. Et ils ont pris. En Afrique de l'Ouest, il y en a plein de pays comme ça où il y a eu. où il y a eu des renversements comme ça, la même chose. Et c'est ça. Donc ils ont établi des dictatures et ils se basent sur leur propre pouvoir par la suite, leur propre loi. C'est eux qui décident tout. Hein? Ils ne se basent pas sur l'islam. Et donc, c'est eux qui ont amené beaucoup de problèmes dans les pays arabes. Hein? Et en tout cas, dans les pays non-arabes aussi. Parce qu'il y a plein d'autres pays arabes et non-arabes, comme l'Iran, le Pakistan et d'autres. Hein? Et qu'est-ce qui se passe, c'est que des fois, étant donné que c'est des groupes d'amis, de soldats, il y en a un qui prend le pouvoir, puis après un certain temps, l'autre, il est jaloux. Alors, il le tue, puis il prend sa place. Alors, l'autre, il est jaloux, il le tue, il prend sa place. Alors, personne ne fait confiance à personne. Comme qu'est-ce qui était arrivé en Russie, quand il y a eu la révolte, la révolution bolchevique avec Staline, puis les autres, là. Staline, puis les autres, j'ai oublié leur nom. Eh bien, à un moment donné, Annie, tout le monde avait des doutes sur tout le monde commençait à tuer tout le monde espionnait tout le monde, hein? Hein? Oui, oui, ouais, c'est ça. Donc, tu vois que il y en a un qui prend le pouvoir, il est avec un autre, l'autre commence à douter de l'autre et il a peur que l'autre veut prendre sa place. Donc, il n'y a plus personne qui a confiance à personne. C'est ça. Donc tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'ils ont contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écouter, d'obéir aux dirigeants et de ne pas se rebeller contre lui ou se révolter contre lui, même s'il a des injustices, même s'il a des manques, même s'il a des faiblesses ou des erreurs dans sa façon de gouverner. Il n'est pas parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Et puis toi, tu dis, ou bien quelqu'un, il pense, il dit, ah, lui qui est au pouvoir, là, il est vraiment nul. Moi, je pense que si je prends sa place, je vais faire mieux. Je vais faire un gouvernement plus juste, meilleur, et ainsi de suite. Donc, toi, tu veux faire une révolution pour l'enlever, pour prendre sa place. Mais il y en a comme 10 en arrière, même peut-être 20 ou 30 ou 50 ou 100 qui ont la même idée que toi. Oui, ben, c'est arrivé partout. Il y en a plusieurs pays comme ça. Même, quand il y a eu la révolution des américaines, la révolution française, la révolution en Angleterre, partout il y a les... Ouais, non, c'est ça, c'est toujours comme ça. Mais là, maintenant, avec les démocraties, on dirait que c'est comme pour dire, bon, étant donné que tout le monde veut prendre le pouvoir, ouais, c'est comme, c'est ça. Ils disent, au lieu de faire des coups d'État avec des armes, eh bien, on va le faire de façon pacifique. Hein, salissage, puis attaquer les gens, salir leur réputation, chercher dans leur passé des choses pour les salir. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh? Il dit: أما الحاكم المسلم فلا يشرع أي تشريع أبدا وإنما هو منفذ لشرع الله وأحكامه كما أسلفنا غير مرة بعد الاستشارة إن دعت الحاجة إلى الاستشارة وإلا فبدون استشارة وربما يضطر الحاكم المسلم إلى رفض آراء المستشارين في مواقف طارئة كما سنوضح ذلك. Donc le cheikh, il dit que le dirigeant musulman, lui, par contre, il ne légifère rien. Il fait juste exécuter la loi d'Allah et les règles d'Allah, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois. Après avoir consulté les gens, hein, les gens responsables, les gens qui ont une opinion, les spécialistes, s'il y a un besoin, de demander conseil. Toutefois, il est possible également qu'il prenne une décision et qu'il fasse exécuter sans avoir pris conseil. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de demander le conseil à la Shura. Il peut prendre une décision sans la Shura, mais il peut aussi demander le conseil de la Shura. C'est-à-dire, la Shura, ce n'est pas obligatoire. Et c'est pas dans tous les sujets qu'il est obligé de prendre conseil de la Shura. Après, le cheikh, il dit, il est possible que le dirigeant refuse aussi l'opinion qui est donnée par ceux à qui il a demandé conseil. C'est-à-dire, il peut refuser l'opinion de la Shura. Il n'est pas obligé d'obéir à la Shura. Parce que la Shura, c'est pas... Ils n'ont pas une autorité. C'est seulement pour conseiller, pour donner leur point de vue. C'est tout. Et dans des questions nouvelles ou des questions de sujets qui sont nouveaux, qui n'est que le dirigeant, il n'a pas eu d'exemple préalable ou des choses comme ça, il veut savoir comment faire, il clarifie la situation comme ça. Il dit « Izan, fa'inna al-hukmain la yashtabihan, wala yatajanisan, bal huma mutabayinan » الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم بل يعني بل هما متباينان كما شرحنا donc les deux sont différents. Le jugement le gouvernement dans l'islam qui est basé sur un dirigeant unique et le gouvernement dictatorial basé sur un seul dirigeant, yani c'est pas comparable. Après le cheikh, il dit فالحاكم المسلم عبد لله منفذ لشرعه واقف عند احكامه دون افتيات على الله. Le cheikh, il dit, le dirigeant musulman, c'est un serviteur d'Allah. Il exécute la législation d'Allah et il s'arrête aux règles d'Allah. Sans inventer des choses sur Allah ou dépasser les jugements d'Allah. Et ça, c'est un point aussi important. Moi, je me demande par rapport aux dirigeants qui sont laïcs, qui se disent laïcs, mais qui ont une religion, par exemple. Comme par exemple, je sais pas moi, un dirigeant, on va dire, il est catholique ou il est chrétien, protestant ou bien une autre religion. Puis il dit que lui, il croit en la religion. Mais il est dirigeant dans un pays laïque. Et que son gouvernement dirige des choses, il prend des décisions qui sont contraires à la religion, à sa religion. Comment il fait pour accepter ça? Hein? Ça, c'est une question que j'arrive pas à comprendre pour ces gens-là. Comment eux, ils font pour vivre avec ça? On dirait que pour eux, c'est pas grave, yani. La religion, c'est pas important. Hein? C'est parce que les forces? Ah, ouais, les forces. Exactement. C'est exactement ça. Mais en même temps aussi, c'est comme si. C'est pas juste ça, c'est qu'ils se posent même pas la question. Moi, je me rappelle quand, par exemple, avant que je sois musulman, je lisais la Bible. Et tu vois dans la Bible, par exemple, il y a plein de lois, il y a plein de règles qu'il faut respecter. Par exemple, Dieu, il a interdit la fornication. Mais dans la loi, par exemple, du pays, eh bien, c'est écrit, si deux adultes sont consentants, qui décident de faire le zina ensemble, alors c'est pas un crime, c'est permis. Alors que dans la Bible, c'est interdit. Je dis, mais comment toi tu peux être un dirigeant là, t'es chrétien, tu lis la Bible, tu crois en la Bible, puis tu fais des lois qui viennent en contradiction avec ce qui est écrit dans le livre. Ça, c'est pas possible, quand même. Donc il y a un problème chez les chrétiens, chez les juifs aussi. Parce que ça, c'est écrit dans le livre des chrétiens et des juifs. Mais oui, mais c'est interdit dans la Bible. C'est ça le problème. Donc, après, tu vois, par exemple, il y a plein de versets qui expliquent des choses comme ça. Ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plein. Eux, ils font des lois qui sont en contradiction avec ça. Donc, comment ils arrivent à faire ça? Et prétendent par la suite qu'ils croient dans leur livre. Ça, c'est vraiment surprenant. Mais dans l'islam, ça, c'est impensable. C'est pas possible. C'est-à-dire que les lois qui sont appliquées dans un pays musulman sont obligées d'être les lois d'Allah seulement. Et qu'on n'a pas le droit dans un pays de faire des lois qui vont contredire la loi que Allah a révélée. Parce que sinon, c'est pas normal, c'est pas correct. Hein? Et si c'est le cas, par exemple, s'il y a des pays où il y a des lois qui sont en contradiction, mais il faut les corriger, il faut les changer pour qu'elles soient en accord avec la loi d'Allah. Hein? Parce que beaucoup dans les pays musulmans aujourd'hui, c'est avec la colonisation que les lois ont été changées. Ils ont mis le système occidental dans les pays musulmans. Des fois, c'est les exemples que je vous ai mentionnés tout à l'heure par rapport aux soldats qui ont fait des coups d'État dans les différents pays arabes ou non arabes, qui ont par la suite imposé des lois qui sont contraires à l'islam dans les pays. Comme en Turquie, par exemple, bon, il y avait des lois qui étaient basées sur la charia. Atatürk, qui était un soldat, eh ben, il a fait un coup d'État. Puis après, il a changé toutes les lois. Il a fait venir des lois de la France, des lois de l'Italie, de la Suisse, de je sais pas quoi. Il a fait un... Ben, disons que c'est sûr qu'il y avait peut-être des aspects qui étaient pas en accord avec le Coran et la Sunna à 100%. Il y avait beaucoup de contradictions, puisque en Turquie, on sait, c'est des soufis. Sont très fanatiques pour le madhab Hanafi, hein, ils sont sur l'aqida des Maturidiyya, et ils sont sur la voie des soufis. Donc il y a eu beaucoup de bid'ah, l'adoration des tombes, le soufisme et toutes sortes de bid'ah, la célébration du Maulid Nabawi, plein d'autres bid'ah comme ça, la négation des attributs d'Allah et ainsi de suite. Et dans l'application, bon, il y avait plein de contradictions avec la charia dans la société, ça c'est normal. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Parce qu'ils ont contredit la charia. Allah les a punis par rapport à ça. Tous les pays musulmans qui ont eu la colonisation, c'est une punition que Allah a établie sur les pays musulmans. Parce qu'ils ont contredit la loi d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'allait pas permettre aux koufars de prendre les pays musulmans si les musulmans étaient accrochés sérieusement à la sunna. Tu comprends? Oui, parce que pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la victoire aux mu'minines. Hein? Et quand ils s'accrochent au Coran et à la sunna, ils se préparent, ils restent sur leurs aguets, ils respectent les lois d'Allah, ils restent toujours prêts pour les ennemis. Quand ils veulent rentrer, quand ils veulent attaquer, ils ne les laissent pas rentrer. Mais quand ils sont devenus divisés, faibles, ils suivent les bid'ahs, ils suivent les passions, ils suivent la dunya, ils se divisent, alors les koufas deviennent forts, plus forts qu'eux, puis ils profitent de la faiblesse des musulmans et de leur division pour rentrer dans les pays musulmans, pour créer les problèmes. Hein. Donc c'est ça qui arrive. Allah al-Musta'an. Donc, des fois, les musulmans, ils oublient la part de responsabilité qu'ils ont dans le problème qui leur arrive. C'est comme s'ils s'imaginent que tout ce qui nous est arrivé, c'était juste la faute des autres. Comme si, ah, c'est la faute des koufas, c'est les koufas qui ont fait ça, c'est les koufas qui ont fait ça. Et ils oublient que si les koufas ont réussi à faire ça, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause des bid'ahs, c'est à cause des égarements, c'est à cause que beaucoup de gens sont déviés de la voie d'Allah et de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'ils ont ces problèmes-là. Hein, donc c'est ça le problème. Donc le cheikh il dit ensuite, « فالحاكم المسلم عبد لله منفذ لشرعه واقف عند أحكامه دون افتيات على الله بينما الحاكم القانوني الوضعي متبع لهواه وهو معرض عن احكام ربه بل كاره لها غير خاضع لها. Donc il dit que le dirigeant qui se base sur les lois humaines, il suit sa passion et il se détourne des règles de son Seigneur, même qu'il les déteste parfois. Hein? Et il ne s'y soumet pas. Donc c'est ça les koufars, beaucoup de koufars, même des laïcs, ils détestent les lois d'Allah. Et quand ils lisent par exemple des choses à propos de l'islam, dans le Coran, dans la sunna, des règles de la religion d'Allah, ils sont en colère par rapport à ça. Ou bien ils sont fâchés de ces lois-là. Et ça c'est des gens qui ne croient pas en Allah sérieusement. Ils ne croient pas vraiment en Allah. Parce que le mu'min, au contraire, il aime les règles d'Allah. Il aime les lois d'Allah. Il est content des lois d'Allah. Il veut les appliquer. Mais si quelqu'un, il a de la haine pour les lois d'Allah, il déteste les lois d'Allah, hein, comme quelqu'un qui dit, ah mais pourquoi dans l'islam, la femme, elle n'a pas le même héritage que l'homme? Pourquoi dans l'islam, la femme, elle doit porter le voile, puis pas l'homme? Pourquoi dans l'islam, la femme, elle peut pas marier un chrétien et un juif, mais l'homme, il a le droit de marier une juive et une chrétienne? Pourquoi dans l'islam, la femme, elle peut pas prier quand elle a ses règles, mais l'homme, il a pas de règles, donc il peut prier tout le temps. Toujours comme poser des questions, pourquoi, toujours les mêmes questions, mais pourtant c'est Allah qui a décidé ça, c'est pas les êtres humains, c'est pas des hommes. C'est comme les koufars qui disent la religion de l'islam, elle est injuste envers la femme, comme si la religion de l'islam c'était un être humain, un homme qui avait choisi les lois, puis qu'il avait voulu faire du tort à la femme. Donc il a choisi des règles pour faire du tort à la femme et pour que ce soit différent. Alors que non, c'est le créateur des cieux et de la terre, le créateur de l'homme et de la femme qui a fait ces lois-là pour, hein, que les hommes puissent vivre en harmonie et en paix. Et il a mis ces différences entre l'homme et la femme pour que justement il y ait une harmonie et une complémentarité dans la société. Pour pas que les hommes et les femmes se confondent dans les responsabilités et dans les devoirs. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Dans les devoirs qu'ils ont les uns envers les autres. Parce que si l'homme veut prendre la place de la femme, puis la femme veut prendre la place de l'homme, puis chacun commence à se disputer les droits et les responsabilités, les devoirs qu'ils ont les uns envers l'autre, et ainsi de suite, eh bien, il n'y a pas de... il y a un déséquilibre, un débalancement, puis après, il n'y a plus d'ordre. Et puis, c'est ça la réalité de ce qui se passe dans les sociétés des koufars actuellement. Mais il y a des gens qui veulent égarer les gens, il y a des gens qui veulent égarer les hommes, et il y en a des gens qui ne réalisent pas ça. On veut faire croire aux gens, oui, ça c'est l'évolution, ça c'est l'avancement, les gens commencent c'est le progrès, les gens deviennent de plus en plus évolués, ils comprennent mieux maintenant, donc ils veulent ces choses-là. Mais ils ne réalisent pas qu'en arrière, il y a des gens qui poussent la société vers cette direction-là pour que les gens soient de plus en plus dans l'égarement. Non, mais même il y a des gens, c'est devenu... Les garderies, comme tu dis, c'est vrai. C'est parce que les femmes, étant donné que... c'est que dans l'islam, on sait que la femme, une de ses responsabilités qu'elle a, c'est de s'occuper de sa famille, de sa maison, de son mari. Donc, si... Et ça, c'est pas seulement dans l'islam. C'est-à-dire que même chez les koufars, ça a toujours été comme ça. La femme est la responsabilité de la famille. Donc... Eux, ils ont dit, bon, puisque la femme, on veut qu'elle soit égale à l'homme, mais qu'il y a des différences biologiques, et sur tous les plans qui font que la femme n'est pas égale à l'homme, il faut trouver des moyens pour éliminer ces différences entre les hommes et les femmes. Et une des choses qui empêche le plus la femme d'être comme l'homme, c'est le fait qu'elle doit s'occuper des enfants, puis qu'elle doit être enceinte, puis elle va accoucher, puis des choses comme ça, puis après elle doit allaiter, puis après elle va s'occuper de son enfant. Donc il faut trouver tous les moyens pour empêcher ça, ou pour libérer la femme de son enfant. Et donc ils ont pensé à ça, les garderies. C'est la fin. Moi j'ai vu des femmes ici, elles ont accouché de l'enfant, l'enfant il a peut-être même pas 2 mois, ils le mettent déjà à la garderie. Je te jure, tu vois, le bébé, il est naissant, là. Il l'amène à la garderie. Ah oui, c'est... Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire que les enfants, là, ils ne grandissent pas avec leur mère, ils grandissent avec des étrangères, et c'est les étrangers qui les éduquent. Et le système, bon, le gouvernement subventionne les garderies, paye les parents, il leur donne, hein. Donc, tout ça, c'est pourquoi, pour encourager cette société, soi-disant basée sur l'égalité, que l'homme et la femme vont être égales. Alors qu'on sait très bien que, tout ça, c'est de l'artifice. Hein. Donc, il ne peut pas y avoir d'égalité entre l'homme et la femme, sauf si on établit ce genre de choses-là dans la société qui sont très chères. Hein, ça coûte cher et c'est compliqué, c'est pas facile. Et en même temps, qu'est-ce que ça crée comme problème par la suite? Eh bien, de la délinquance, des enfants qui sont mal éduqués. Il y a plein d'autres problèmes comme ça, mais eux, ça, ils refusent de l'accepter. Et si tu vas mentionner ces choses-là, ça les met hors d'eux-mêmes. Et ça les enrage même. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit en... L'autre, je me rappelle que j'avais, quand il avait parlé dans l'article dernièrement, quand il a dit que moi j'avais dit que le viol c'était une punition de Dieu pour les femmes. Ouais, mais en fait, il a cité mes propos à moitié, puis en dehors du contexte. Parce que moi, j'étais en train d'expliquer que tous les malheurs qui arrivent aux gens dans la société, d'une partie, c'est à cause de leur désobéissance à Dieu que ça arrive, puis en même temps aussi, c'est une punition. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. C'est-à-dire, il n'y a pas un malheur qui vous atteint, excepté que, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Donc, ça, c'est, qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Coran par rapport à ces choses-là. Et c'est clair. Parce que tu dis, les gens dans la société, ils ont des malheurs, ils ont des problèmes, ils ont ci, ils ont ça. Mais s'ils revenaient à l'ordre d'Allah, ces problèmes-là seraient diminués ou même éliminés complètement s'ils commençaient à suivre ces lois-là et ces règles-là. Mais ils refusent. Ils sont obstinés à vouloir contredire les lois d'Allah. Et après, ils ont des problèmes et ils s'en étonnent. Donc, après, quand tu leur dis « c'est à cause de vos désobéissances que vous avez ces problèmes », et ils commencent à s'enfler d'orgueil et ils commencent à se moquer de ça, puis ils disent ah bon, c'est à cause du viol, que c'est à cause des péchés, ou bien c'est parce que c'est une punition de Dieu qu'il y a des viols. Ça veut pas dire, quand on dit que c'est parce que le viol c'est une punition de Dieu ou des choses comme ça, ou que les crimes qui se passent dans la société c'est des punitions de Dieu, ou la délinquance ou les autres choses, que c'est une punition de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce crime-là, ou qu'on approuve de ce crime, ou qu'on fait l'apologie de ce crime. Au contraire, dans l'islam, la peine établie dans la charia, dans la loi divine, pour le viol, pour le violeur, c'est la peine de mort. Ça veut dire que dans l'islam, si un homme viole une femme, dans une société islamique, dans un pays musulman, il sera exécuté. C'est-à-dire, il va être tué. On va lui trancher la tête. Donc, est-ce que ça veut dire que, si on dit que le viol c'est une punition de Dieu, que ça veut dire que on fait l'apologie du viol? Et on dit, dans ce cas-là, le violeur, il n'est pas coupable, ou qu'il n'est pas criminel, ou qu'il n'a pas fait quelque chose de mal? Non, pas du tout. Mais c'est ça que tu vois, quand tu écoutes qu'est-ce qu'ils disent dans les médias de cette façon, ils coupent une partie de tes paroles puis ils la mettent sans expliquer les détails de ce que tu dis par rapport au sujet en question, mais c'est ça qui est malhonnête. C'est-à-dire, le mensonge, il n'est pas dans ce qu'ils disent, il est dans ce qu'ils disent pas. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas faux qu'est-ce qu'il a dit. C'est vrai, j'ai dit cette parole, mais j'ai pas dit que ça, j'ai détaillé, j'ai expliqué ailleurs. Mais lui, il cite pas. Alors, il ment, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il ment par omission. Hein? Il ment par omission. Bon, on va essayer de finir les deux pages suivantes. Le cheikh, il dit, فالحاكم المسلم عبد لله. Ok, on a lu ça. Après, il dit ففرق بين العبد الأبق والعبد العبد الأبق العاصي العاصي وبين العبد المؤمن المطيع وإن كان مقصرا في طاعته نوعا ما. Le cheikh dit, il y a une différence entre un esclave qui est désobéissant et entre un serviteur ou un esclave qui est croyant et obéissant, même si il a des manquements dans son obéissance, d'une certaine façon. Il dit, وَمِمَّا يَنْبَغِ التَّنْبِيحَ عَلَيْهِ هُنَا أَنَّ الْعَبْدَ أَمَامَ مَوْلَاهُمْ وَسَيِّدُهُمْ الْعَبِيدِ أَمَامَ مَوْلَاهُمْ وَسَيِّدِهِمْ ثَلَاثَةً. Donc il dit, on veut noter un point ici, c'est que les esclaves devant leur maître, ils sont de trois catégories. الأول عبد مطيع لمولاه محب له بل متفان في محبته وطاعته غير مقصر في امتثال أوامره واجتناب نواهيه ولا يكاد يفتات عليه فهذا هو العبد الكامل وهو المؤمن القوي وهو خير العبيد وقد كمل كمالا نسبيا. Donc le cheikh, il dit que premièrement, il y a un esclave qui est obéissant à son maître et il aime son maître, et même que il est totalement voué à son obéissance et à son amour, et il n'a pas de manquement dans le fait d'implémenter ses ordres et de s'écarter de ses interdictions, et il n'a pas de manque dans ces aspects-là. Donc c'est l'esclave parfait, le croyant fort, le meilleur esclave. Et il a perfectionné ça, il est arrivé à une perfection relative. Le deuxième, c'est Abdul Muhibbun Limawlah, Muti'un Lahu, Ta'atan Sadiqa, Muqbilun Alayhi, Waqifun Anda Awamirihi, ولا يحاول الخروج عليه لكنه ضعيف عند الأداء قليل الامتثال كثير العثرات مع الاعتراف بالتقصير والندم الكثير وهو المؤمن الضعيف ولا يخلو من خير المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Donc l'esclave, le deuxième, c'est l'esclave qui aime son maître et qui lui obéit d'une obéissance sincère, hein, qui tournait vers son maître, qui s'arrête à ses ordres et qui n'essaie pas de se révolter contre lui, mais qui est faible dans l'application et dans le respect des ordres. Et il a beaucoup de fautes aussi, donc il fait des fautes. Mais il reconnaît ses manquements et il a des remords. Donc ça, c'est le croyant faible. Et il a quand même du bien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a du bien. Puis le troisième esclave, c'est Abdun Abiq Asin Mu'ridun An Mawlah La Mahabbata Wa La Ta'a. لا محبة ولا طاعة بل هو خارج على مولاه فهذا شر العبيد وهو محل سخط مولاه وغضبه ما لم يتب ومن تاب تاب الله عليه. Donc il dit le troisième, c'est l'esclave révolté, l'esclave désobéissant qui se détourne de son Seigneur et il ne l'aime pas et il ne lui obéit pas. Il sort de l'obéissance de son maître et c'est le pire esclave. Et il est sous la colère de son maître. Et il reste comme ça tant qu'il se repent. Et celui qui se repent, Allah accepte sa repentance. Il dit أما المؤمن القوي والمؤمن الضعيف فهي كل واحد منهما خير مع التفاوت بينهما كما علمت. Donc il dit le croyant fort et le croyant faible, les deux ont du bien, mais ils ont des degrés entre les deux parce qu'ils sont différents. Il dit ومما يخفف على المؤمن الضعيف ويجبر كسره أنه حصل له شرف المشاركة مع المؤمن القوي في حصول الخير له في الجملة وهو أمر لا يستهان به إذ عنده أصل المحبة والطاعة وعدم الخروج على سيده ومولاه مع الضعف المشار إليه. Il dit parmi les choses qui peut disons alléger les affaires pour le croyant faible, hein, et qui peut compenser pour sa faiblesse, c'est le fait que il est le partenaire, il a l'honneur d'être le partenaire du croyant fort dans le fait d'obtenir le bien en général. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il a à la base l'amour, et la base de l'obéissance, et la base de ne pas se révolter contre son maître. Mais il a une faiblesse qu'on a mentionnée déjà. Il dit « وَحَلُهُمَا يُشْبِهُ إِلَى حَدٍ مَا حَلَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَحَلَ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إذ يحصل لكل من الصنفين من رضا الله وما وعد به من جنته مع تفاوت درجاتهم إذ يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Le cheikh il dit, et l'état des deux, le croyant fort et le croyant faible, eh bien ça ressemble beaucoup à l'état des premiers parmi les croyants, parmi les muhajirin et les ansar, et l'état des tabi'in qui les ont suivis par la suite de la meilleure manière. Les deux, ils ont atteint ou obtenu la satisfaction d'Allah. Et les deux, Allah leur a promis le paradis. Mais il y a des degrés entre eux. Dans les degrés qu'ils ont, il y a des différents degrés entre eux. Les sabiqoun al-awwaloun, parmi les muhajirin al-ansar, sont plus élevés que les tabi'in bi-ihsan. Mais les deux ont quand même la promesse du paradis et l'agrément d'Allah. Et il mentionne le verset 100, dans surat al-Tawbah, qui mentionne ça. Dit les premiers parmi les croyants, parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui et il a préparé pour eux des jardins dans lesquels coulent les ruisseaux, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement et voilà le grand succès, la grande réussite. Il dit donc qu'il faut que il dit فينبغي للعاقل ان يحسن علاقته بربه ومولاه وولي نعمته بتحقيق عبوديته لله عز وجل بحيث لا يخرج عن شرعه الى تشريع مغاير ولا يسلك غير منهجه الذي انزله في كتابه ليبقى في عداد عباده المطيعين ولا يلحق بالآبقين المعرضين عن دينه وشريعته المتبعين لشرع غيره خشية أن يدخل في عموم قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لولا كلمة الفصل ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Donc le cheikh il explique pour terminer, il dit que il faut que la personne qui est intelligente s'arrange pour avoir une bonne relation avec son Seigneur et son Maître, hein, pour réaliser l'adoration d'Allah de façon à ce qu'il ne sorte pas de sa législation et de sa loi, hein, qu'il, de façon à ce qu'il ne sorte pas vers une autre législation et qu'il ne sorte pas de sa loi et qu'il ne suive pas autre que le chemin et la méthodologie qui a été révélée dans son livre, et pour qu'il reste dans le nombre de ses serviteurs obéissants et qu'il ne se rallie pas au nombre des transgresseurs, hein, de ceux qui sortent de son obéissance et qui se détournent de sa religion et de sa législation et qui suivent une législation autre, de crainte de tomber dans le sens général de la parole d'Allah lorsqu'il dit dans le verset 21 dans Surah Shura, ont-ils des partenaires qui légifèrent pour eux dans la religion ou des choses de la religion que Allah n'a pas permis, hein? Donc ceux-là ils rentrent dans cette menace et il dit: or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Donc ça, c'est qu'est-ce qui termine donc ce chapitre ou ce point. Et au prochain cours, on va terminer le livre, inshallah, et le cheikh il va mentionner les positions. Les positions historiques qui prouvent que la Shura elle n'est pas imposable aux dirigeants. Il va mentionner des exemples de la Sunna du prophète et des preuves de l'exemple des Khulafa Rashidin ou bien des Khulafa qui sont venus après pour montrer que la Shura elle ne peut pas être imposée aux dirigeants. On va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.